spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui, à chaque semaine, place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Errance canadienne. Merci l'artiste. Aujourd'hui, le 18 août 2017. 18 août 2007, monte le volume et hume la différence. C'est parti, mon qui. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! J'ai deux choses à vous dire. La première, je vais l'intituler « Les douanes se payent ma gueule ». OK. Les douanes. Douanes se payent ma gueule. Et le deuxième, je vais appeler cela « Mieux vaut tard que jamais ». Mieux vaut tard que jamais. Jamais. Là, je sais que plusieurs se disent « Pourquoi le guignol n'a pas écrit les deux thèmes avant d'ouvrir le micro? » Mais c'est comme ça. Faut pas poser de questions, vous n'aurez pas de mensonges. Donc, les douanes se foutent de ma gueule. Je me commande à peu près tout ce que j'ai ici sur Internet. Je ne vais plus dans les magasins. Je veux rien savoir des vendeurs, des vendeuses. Vous voulez des assurances? Voulez-vous... Non, je veux ce que j'ai acheté là. Je ne veux pas plus. Je ne veux pas moins. Je ne veux que cela. Ah oui, mais voulez-vous avoir une garantie supplémentaire? Est-ce que j'ai l'air d'avoir une garantie? Est-ce que j'ai l'air de vouloir? Oui, mais si... Non. Je ne veux que ce produit-là. Ou tu entres dans un magasin, puis là, tu vois la tête chercheuse. Ça, c'est la vendeuse. Là, elle te repère. Mais comme j'ai la chance extraordinaire d'être bizarre, ils viennent jamais vers moi. Hey, ils viennent pas vers moi, ils ont peur, tant mieux. Tu sais, tu regardes à droite, à gauche, puis si tu as le malheur de faire ça, 3-4 paires de yeux te repèrent et te regardent. C'est tous les employés du magasin. Il y a l'air. Le mec me semble pas très réglo. Surveillons-le. Moi, je magasine un sac à dos. Puis c'est bien certain que j'ai les yeux en haut. Ils accrochent leur sac à dos en haut, puis tellement haut que tu peux même pas y toucher. Sur Internet, tout est là. Non, ben oui, oui, exactement, vous avez, Mme Thibodeau, tout à fait raison. Il y a toujours des récalcitrants qui te disent, « Oui, mais tu peux pas toucher sur Internet. » Penses-tu que je peux toucher le sac à dos qui est à 20 pieds de moi, à 20 pieds de hauteur? Là, j'exagère peut-être à 15 pieds de hauteur. À part Tidjo Montferrand, là. Le QAC sur le Saint-Laurent. Ah ouais, non, sur le Saint-Laurent. Non, c'est le QAC sur le Saint-Laurent. Ah, non, c'est une roche du Saint-Laurent. Et il est accroché par le derrière qui pend sur le Saint-Laurent. Et puis là, il se demande. Est-ce que tout ça va tenir jusqu'à la fin de la chanson de Monty Gilles? si Tigil se trompe pas, parce que Tigil, dans le métier, il est reconnu pour s'enfarger la phrase, le mot, sur ses propres chansons. Le ticu de pâture mal de gants, la manette de tes magas. Puis là, le ticu, ticu, Tidio Montferrand, lui, ça hantise. Depuis que la première note est partie, ce qu'il se demande, j'espère que ça ne sera pas la dernière fois qu'il va la chanter. J'espère que je ne me le pèterai pas la gueule. Parce que si je me la pète, il va l'enlever sur son répertoire, je ne serai plus là. Là, il est là, le pantalon. Puis surtout, c'est un futur Tidio Montferrand. Il avait la culotte pas mal à terre. Ça, non, mais pour lui, c'était rassurant. Ça lui rappelait son enfance. T'sais, quand tu te promènes avec ta couche qui descend, là, qui descend tellement que lorsque tu veux, ben, tu veux pas, mais lorsque le numéro 2 s'annonce, ben c'est déjà pas besoin de couche. La couche est plus là. Suivez la trace. Là, tu partais dans ton... comment t'appelais ça? Je sais pas. Une genre de chaise roulante à deux pattes que tu pouvais courir là-dedans. On te plaçait dans le milieu. Puis là, ils ont enlevé ça parce que c'est dangereux pour les jambes. Ça fait des jambes croches. Jamais remarqué, moi, dans les années 40, 50, 60, 70, si les gens marchent les jambes croches, aujourd'hui, ils ont quoi? 40, 50, 60, 70 ans, 90 ans. À un moment donné, c'est sûr qu'à 90 ans, comme disait le Sphinx, qui, au matin, marche à quatre pattes, le jour à deux pattes et le soir à trois pattes? L'énigme. On va des énigmes. Quatre pattes, deux pattes, trois pattes. Le matin, quatre pattes. L'après-midi, deux pattes. Et le soir, trois pattes. Qui marche ainsi? C'est intriguant, hein? L'être humain. Tu nais. Tu marches à quatre pattes. Tu quittes les deux mains, tu marches à deux pattes. Et en vieillissant, tu utilises une canne, donc tu marches à trois pattes. L'être humain. Tu t'en sais tellement de choses, toi. Tu pourrais faire des émissions de radio puis étaler ça sur 20 minutes. Ah, c'est à peu près ce qui va se passer. Donc, les douanes se foutent de ma gueule. Hey, Tidio ne tombera jamais, faites-vous en pas. Non, ça va rester dans le répertoire de Gilles jusqu'à la fin, jusqu'à aussi fort que Jean du Pays. Ou celle qui chante, là. Fut-elle amoureux, fut-il. Non. Fut-il amoureux, fut-elle fidèle, on ne sait rien d'elle, on ne sait rien d'eux. Ensemble? Non, c'est agréable à cette heure-là, là. Minuit 8, là. On va se tenir la main dans la main. Nous sommes seuls, peu importe. Tenez-vous la main. Vous avez deux mains normalement, là. Puis si c'est pas vrai, tenez n'importe quoi. Puis si vous pouvez pas tenir, dans votre tête, imaginez-vous deux mains qui se lient. Et on chante ensemble, parce que c'est une chanson humaniste. Fut-il amour... C'est moi qui viens de déclarer, là. Gilles a jamais dit ça en début de chanson. C'est moi qui dis ça. Fut-il amoureux, fut-elle fidèle, on ne sait rien d'elle, on ne sait rien d'eux. On fera pas le couplet, on va juste faire le refrain. Donc, les douanes se foutent de ma gueule. Je commande sur Internet parce que je veux rien savoir du genre humain, puis surtout décrocher le sac à dos qui est... Mais là, c'est pas ça que j'ai acheté, c'est pas un sac à dos. C'est un habit de pluie. Mais là, habit de pluie, le sophistiqué... Deux pièces et non pas une seule pièce. Tu montes ça, ça fait un pantalon et un haut. Mais là, non. Moi, je voulais le pantalon de 1 et le haut de 2 parce que si je ne veux pas mettre le bas, je veux mettre le haut. Puis ça ne se produira jamais que je mette uniquement le bas sans le haut. Quoique si je mets le haut, et si je mets le bas, mais ça risque d'être un autre haut, mais je ne me promènerai jamais uniquement avec le bas. Suivez-vous! Compliqué, hein? Pas facile, hein? Ah non. C'est aussi difficile qu'un plus un fond, hein? Pardon? 1 et 1. 1 et 1. 1 et 1. 2. Difficile, hein? Ben non, 1 et 1, 2, pas exemple. Ben, hey, c'est difficile si tu le sais pas. Quand tu le sais, c'est pas difficile. C'est comme dans n'importe quoi. C'est facile dans la mesure où tu connais. C'est difficile dans la mesure où tu ne connais pas. Savez-vous que je parle souvent de la Terre plate, la Terre ronde, puis si on dit que la Terre est ronde, là, c'est pas parce qu'on l'a vérifié. C'est parce qu'on nous l'a dit. Au même titre que quand on a dit que la Terre était plate, avant Galilée, on a toujours cru que la Terre était plate. On nous l'a dit. On ne pouvait pas vérifier, puis en plus se rendre au bout du monde. Qui s'est rendu... Hein? Dites-moi un nom. Sans que cette personne-là soit suivie par un psy, là. Dites-moi un nom d'une personne qui s'est rendue à la fin du monde. Au bout du monde. Tu sais, il y a une expression, aller au bout à la fin du monde. Ça, il faudra un début avant une fin, là, mais se rendre au bout du monde. Oui, je sais de l'expression aller au bout du monde. Ah oui, je suis allé à Tombouctou. Hé, hey, mon dieu, c'est au bout du monde, ça! Comment ça, c'est au bout du monde? Il n'y en a pas de bout. La Terre est ronde. Il y a des expressions qui ont resté comme ça, hein? Galilée avait jamais existé. Ça devait être une expression d'avant Galilée, ça. C'est au bout du monde. Je suis allé au bout du monde. Mieux vaut... Attention, la belle docteur. Mieux vaut aller au bout du monde que de n'être pas de Kemeneki. J'ai dit, mieux vaut aller au bout du monde que de n'être pas du monde. Être pas du monde, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est un être non socialisé ou s'il est socialisé, il a tout oublié de son enfance, de son éducation, s'il y en a une. Quand tu commences à emmerder quelqu'un, c'est là que tu le deviens. Hein, il y a des messages, hein? Là, avez-vous, hein? On a senti le silence, là, que tout le monde se posait des questions. Hein, qu'est-ce qui se passe? Un silence, le silence en dit long. Très long. Alors, moi, j'achète toujours sur Internet. Presque. Puis même aujourd'hui, là, on peut se faire une copine sur Internet. On peut se trouver une blonde sur Internet. Une blonde, une copine, parce que les blondes sont pas toutes blondes. Hein? On peut se faire une blonde autrement que ça, il faut pas juste se fier aux cheveux. Surtout quand, tu sais, t'envoies des filles extraordinaires avec des chevelures rouges, vin, bleu, vert. Tu dis, hey, ça, là, il y a quelque chose. Là. Ça sort du classicisme. Classicisme. J'allais dire du classicisme ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Et quand ça sort de l'ordinaire, c'est là que ça m'intéresse. Parce que tout le monde, la majorité se ressemble. Quand on parle de coupe classique, hein? T'as été chez la coiffeuse. Elle t'a fait une coupe classique. Classique, là, pas les classelles, là. Mon amour a changé ma vie. Wow. Hey, attendez, lâche-moi ça. Là. Attendez un peu, je viens de trouver des piles et j'espère que ça va monter sur le... Ah, il y a des grosses chances, malheureusement, que ça fonctionne. Oui. Alors, les douanes, pendant que j'enlève les piles et que je tire ça dans la poubelle, j'ai commandé un impair deux pièces aux États-Unis. En Pennsylvanie. Non, mais je vais loin dans le monde. Pennsylvanie, man. Ça, c'est au bout du monde, Pennsylvanie. Montréal, c'est à l'autre bout du monde, là. Monsieur, donc, j'arrive. Je clique. Et je paye. Donc, j'attends mon colis. Hein, vous me voyez venir, là. Vous me voyez venir. Donc, ça sonne, ding-dong! Le petit banjo se met à japper. Prend petit banjo, le met dans sa maison, ferme sa maison et va, m'en va. m'en va me sauver en dessous de la table, ça sonne. Hey! Ça peut être un témoin de Girola. Oh, maman. Puis quand c'est un témoin de Girola, faut vraiment se précipiter la tête entre ciel et terre. Moi, ça fonctionne pas. Oh, il est à hold. Oh, les piles n'étaient pas finies parce que j'avais mis à hold. J'avais barré le tout. Pourquoi? Moi, l'anglais hold, là, qu'est-ce que c'est ça, hold? Hold, à part le hold up. On devrait mettre, on est au Québec, on devrait mettre fermé, non pas fermé, coupé ou hold. Qu'est-ce que pourrait dire, là? Hold, barré. Barré, débarré. Pourquoi on n'a pas mis barré, débarré? C'est long, vous allez me dire, hold, c'est H-O-L-D. Ça finit là. Ouais, mais si tu connais pas la définition de hold, il y a donc. Je vais passer en bas, excusez-moi. J'ai voulu me relever. Et en me relevant, mon coude était sur l'appui, mais il n'était pas assez sur l'appui, donc je me suis comme désappuyé et j'ai tombé le museau sur le micro. Ça c'est pas, hein? Ça n'a pas fait un, hein? Ça, non, hein? Faut pas dire, hein? Pardon? Alors donc, on y va avec ça. Wah. OK, attention, êtes-vous prêts? Wah. Oh, attendez. Wah. Ah, c'est pas ça que je veux faire, vous, là. Wah. Wap. Bon, OK, là, ça semble assez anodin, là, ce que j'ai fait, mais il va y avoir une suite. Attendez, c'est là que ça se passe, OK? On y va. Mon amour a changé ta vie. Sans toi, tout me paraissait ennuyeux. Mais ce soir, je peux me dire que ce soir, je serai là avec toi en pyjama. Mon amour a changé ta vie. Grâce à nous, nous sommes... Pardon? Oui? Non, c'est que je veux vous raconter un peu ce que... Les paroles ne sont pas vraiment ce qu'elles étaient à l'origine. Non. J'ai comme... Oui, j'ai mandaté Tina. Tina le mieux. Ouais, de tout prendre la structure narrative de cette chanson-là et de la défaire, de la déconstruire, de l'émietter, de la recracher sur une feuille lignée pour que tous ces mots-là se remettent dans une autre direction, histoire de redonner une autre fierté à cette chanson exceptionnelle. Merci, madame, mademoiselle, messieurs. J'ai la ballonne collée. Ben oui, c'est vrai. Parce que je vais vous raconter, quand je dis que j'ai la ballonne collée ou j'ai la sphère de latex gonflable collée, j'ai vraiment un ballon ici. Bon. Et j'ai ici mon bordereau des douanes. Et à l'arrière de tout ça, c'est gommeux parce que c'était sur la boîte. Donc, je vais vous raconter l'histoire. La douane, ça sonne à la porte. Hein? Pas pire, hein? Pas compliqué, cette émission-là, là. Pas pire. C'est tellement pas pire que mieux vaut tard que jamais. What's up, mon pote? Dis-moi donc pourquoi ta chanson chancelle? Pour qui tu cancelles ta vie, ton vote, tes rêves et ta révolte? Au-dessus de tout, been there, done that, ben assis dans ta croûte, tu jappes à quatre pattes et t'attends que le monde crache, et t'attends que le monde clash, tu fonces à deux à l'heure avec la tête sur le dash, parasite. T'anticipes ta retraite au flambeau parabolique, paradis stéréo, c'est pas gros, c'est pas grave, mais tellement mélancolique. Quand tu lances à tout vent ta litanie du vide, ton refrain qui freine, ton refrain de fric, ton refrain cynique qui va comme suit. Quand tout le monde chante et puis tout le monde danse au gré de sa révolte et de sa démence, après tout le monde flanche, tout le monde rampe, les allégonies, les grands, les espérances. Quand tout le monde chante et puis tout le monde danse au gré de sa révolte et de sa démence, après tout le monde flanche, tout le monde rampe, les allégonies, les grands mots qui ont plus de sens. T'as la vue courte et puis c'est pas de ta faute, du coup tu plantes ta pote dans l'œil des autres.

tu sonnes, ding-dong. Tu fais 1, 2, 3, 4. Là, tu vas me dire, il n'y a pas juste ça à faire. Je sais bien qu'il n'y a pas juste ça à faire, mais en même temps, pour me rendre à la porte, je n'ai pas de patin à roulette, je ne fais pas de transmission, de, je ne sais pas comment tu appelles ça, le fait de s'en aller d'une place à l'autre là, sans bouger, là, la transmanisation, comme dans les films de science-fiction, là. La transsexualité, ça n'a rien à voir la transsexualité, ça. Hein? Non, ça dit sexe, non, c'est une affaire de sexe, ça, transsexe. Mais trans, je peux pas me transcender, moi. Il faudrait me montrer, là. Y a-tu des façons? Non, moi, non, pas le montrer. Non, pas le transsexe. Non, j'ai rien contre, là. J'ai rien pour. Non, je suis quand même neutre. J'ai pas de sujet là-dessus. Donc, ça sonne 20 secondes, arrive à la porte. Bonhomme, le facteur prépare à se partir. À partir. J'ai dit le bonhomme, mais c'est le monsieur. Préparé quoi? Le bonhomme aussi. Tout le monde prépare à se partir. À partir. Le bonhomme, le monsieur, le facteur et trois bonhommes en un. Ben oui! Dans notre vie, on a des statuts. C'est pas juste sur Internet, là, statut, là. On a des rôles. Plusieurs rôles. Plusieurs cordes à son arc. Alors, avant tout, on est un humain. On peut être père. On peut être un père comptable. Un père comptable scout. Ou un père comptable, scout, ou n'importe quel... également, on peut être un père, scout, comptable et amant. Et plein de choses peuvent se rajouter, hein, les loisirs. On peut être, sculpteur de ou poète. Donc, plusieurs arcs à nos... Arc, c'est pas beau, hein? Plus on a, plus c'est fatigant. Moins on a, plus on s'en libre. Breux. On en met-tu des couches, hein? Humain, après ça. Homme ou femme, après ça. Travail, hein? On est quoi? On peut être, on va dire, policier. Après ça, on est père de famille. Je l'ai dit, père de famille. On est aussi... mari de la femme qui nous a donné des beaux enfants que l'on adore, que l'on cajole et que l'on voit grandir, tandis que nous vivons tranquillement des régressions incroyables. Je ris pour ne pas pleurer. Puis tu te dis au moins, j'espère que ces enfants-là iront plus loin que moi. Toujours ces aspirations-là, hein? On est dans un point X. Puis on veut que nos enfants montent. C'est tout à fait dans la norme des choses, là. Je vois pas un père de Harrisburg, lui, là, il va faire moins que moi, là. Travaille pas depuis que j'ai jamais travaillé de ma vie. J'espère qu'en plus de pas travailler, il va rentrer dans le monde interlope. Il va se mettre à voler de ses propres ailes, puis aussi à voler ses propres dépanneurs. Moi, c'est bien beau, là, aux épiceries, il volera tout seul. Moi, je lui ai montré quelques façons de faire, quelques structures là, à balancer lorsqu'on entre par infraction dans un domicile. Il sait comment ouvrir une porte sans utiliser de clé. Le coup de pied est beaucoup plus facile et rapide. Vérifiez avant s'il y a quelqu'un à l'intérieur pour ne pas se faire sortir à l'extérieur avec ce coup de pied qui ne viendra pas de toi, mais de celui qui se fait briser sa porte. Donc, mais moi, c'est pas l'histoire de la porte. La porte, j'ai un facteur qui est là. J'ai pas le goût là, de lui donner un coup de pied. Bon, non, moi, je suis un humaniste, moi. We are the worm. Non, We are the factor. Fait que le facteur était là, préparé à partir. Je le prends par le chignon. Viens ici, toi, là, avec mon colis. Il dit, oui, mais il faut payer des douanes. Je commence à payer des douanes. Quand je me procure un article sur ce site Internet-là, on me le mentionne si j'ai des douanes à payer. Non. Il me raconte comme ça. Ouais, ils prennent des colis au hasard, puis ils font payer des douanes aux gens qui doivent le faire. Qui doivent le faire, qui doivent faire quoi? Excusez-moi, je me suis mal exprimé. Là, j'écoute l'émission Errance canadienne. Moi, les structures narratives, là, je connais pas ça. Mais enfin, regarde, j'ai votre boîte. Je sais pas qu'est-ce que ça renferme quoi. Est-ce que c'est des... ça doit être des pièces pour votre poupée gonflable? Je commence, c'est ça, j'ai une poupée gonflable. En plus, j'en ai pas juste une. Fait qu'il a pas suivi l'émission jusqu'au début. Donc, non. Mais c'est comment je vous dois? Là, je m'attendais, tu sais, 12-15$. Je lui devais 90$ et 14 cents. 90$ et 14 pour un achat qui m'a coûté 232$ et 31 cents. Vous allez me dire, t'es un malade d'acheter un impair 232$ et 31 cents. Pas si malade que ça, là. Parce que moi, j'ai appris. J'ai appris, moi, dans la vie. Quand t'achètes pas cher, ça vaut pas cher. J'en avais un ancien. Quand je me suis procuré mon premier scooter électrique qui a passé au feu il y a quelque temps, avant l'hiver 2017, donc en 2016, au mois de novembre, ça a flambé, ça, là, ce scooter électrique-là. Il y a eu un problème, et bien sûr, électrique. C'est pas un scooter interstellaire. Quoique, peut-être que mon prochain sera interstellaire. Je ne veux pas trop alerter le peuple parce qu'ils vont s'exciter et ils vont avoir peur. T'sais. Est-ce qu'il y a un scooter interstellaire qui me suit par derrière? Qu'est-ce que ça fait si on reçoit un coup de scooter interstellaire? On est-tu interstellé? Puis on est-tu excité toutes les 20 semaines? Puis on sait pas! Mais quand on ne sait pas, on s'en doute. Puis on se crée des histoires puis beaucoup plus extraordinaires que la vérité. C'est pour ça que la vérité n'est pas importante. L'important, c'est de raconter en ajoutant quelques fleurs ici et là. Mais là, c'était pas une fleur, c'était 90$ et 14 cents que je devais payer au facteur. Là, je dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de... Mais c'est juste 220, c'est quand même 232$, c'est pas 90$ de frais, de taxes. Là, il dit, non, mais là, tout est expliqué. Là, il y a la feuille de la douane qui s'appelle Formulaire de l'ASFC des Impartaliens Melderining. Bon, je vais vous le traduire en français. Formulaire de ASFC des importations postales. Puis là, je vois quelque chose ici. Canada! Excusez, j'ai un haut de cœur. Canada! En tout cas, c'est écrit C-A-N-A-D. Excusez. Petit haut de cœur, là. Mais moi, quand je vois ça, quand je vois ce Canada Burger, Burger, les mayonnaise, mais est-ce que je vous... Oui, j'aimerais vous acheter un Canada Burger. Bien sûr que la viande à chier sera très cuite. Et le pain avec des couleurs à l'extravagance du Canada. C'est-à-dire plein de moisissures. Pardon! Canada moisissure! Je peux-tu. Oui? Puis-je avoir plutôt un bon hamburger québécois? Juteux à soi. Avec une lampe de ketchup et des oignons crus! Qui l'eût cru? Le père Lustugru! Qui lui a répondu avec votre. Avec vos oignons! Votre hamburger n'est pas perdu sur l'air du tralala, sur l'air du tralala, sur l'air du tralala, tralala. C'est le père Michel, on l'appelle celle-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelque temps, y a-tu du monde qui t'écoute? Je sais pas. Mais moi, je m'écoute. Je me trouve bon. Je me trouve drôle. Bon. Tu te trouves bon? Ben bon, si on rajoute des oignons crus. Sinon, je suis pas très bon. Je suis fade. Comme la vie. Faut rajouter dans sa vie des oignons crus. Qui l'eût cru? Oui, monsieur, le père Lustugru. Alors, 90 et 14. Fait que là, j'ai dit rapidement, puis là, moi, je sais pas, c'est pas moi qui compte ça, puis moi, je fais juste apporter des colis, puis... Oh, pendant tout ce temps-là, là, je réfléchissais. Je le prends ou je le prends pas? la chanson. Hein. Je le prends ou je le prends pas? Si je le prends pas, dis oui. Alors, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. On se croirait sur les... oui, exactement. Les rochers de Terre-Neuve. Oui, oui, oui. Y a-tu des rochers à Terre-Neuve? Ben, en tout cas, on va dire qu'il y a des rochers à Terre-Neuve. J'ai jamais mis les pieds là, je mettrai jamais les pieds à Terre-Neuve. Oui. Non, plutôt en Écosse. Fait que, moi, c'est pas l'Écosse. C'est entre l'Écosse et l'érable. 90-14. Deux choix de paiement. Carte de crédit ou en argent comptant? Ben là, argent comptant, j'ai dit, j'ai pas dit, mais je me disais, j'attends mon escorte, ça va me coûter 160. Si je lui donne 90$, mon escorte va avoir beaucoup moins d'argent, puis son chauffeur va venir me casser la gueule, puis elle, ben, elle va se mettre à crier après moi, puis à m'arracher des pauvres cheveux qui me restent. Quoi qu'elle sait que j'aime bien ça, elle le fera pas parce qu'elle va dire, hey, pour le reste de l'argent, ça vaut pas la peine. Bon, 90-14, je le prends. Donne mon numéro de la carte de débit, de crédit. Je me dis, hey, c'est pas... il rentre ça dans sa petite machine, là? Mon numéro de carte? Je trouvais ça douteux. Parce que... tout le monde peut avoir accès à ça. Le bonhomme facteur peut s'en aller, là, un soir. Aller, je sais pas, là, dans un studio de massage, puis... passer ma carte de crédit. Là, les policiers frappent à ma porte. Là, je dis, on n'a pas encore les douanes. J'ouvre la porte, c'est les policiers. Vous avez fréquenté des maisons malfamées. Comment ça, malfamées? Vous-même malfamées? Voyons donc, faire insulter chez nous. C'est chez nous, ici. C'est chez nous, je paye mes droits, je paye mes douanes. Avez-vous le droit de m'insulter? Puis là, comment ça, vous n'avez pas de boîte? Bien, on n'a pas de boîte. On vient pour vous arrêter parce que vous avez rencontré des masseuses. Oh, des masseuses douteuses. Comment ça, des masseuses douteuses? C'est des masseuses thérapeutiques. Il n'y a rien de douteux dans la thérapie, j'espère. Quoique ça dépend du thérapeute. Mais ça, c'est une autre affaire. On connaît des thérapeutes qui sont malfrats. Comme dans toutes les strates de la société, il y a des malfrats. Va dans une épicerie, il va y avoir une épicerie malfrate. Puis si tu la reconnais, appelle-moi Malfrappé. Non, je voulais la dire, celle-là. Dans toutes les strates. Sauf, bien sûr, au sein de Dieu, tout le monde est bien. Récolte l'amour. Cherche le savoir. Ne punis point. Et là, devant la beauté, la contemple et lance des phrases qui captent l'attention, car nous en avons besoin dans notre domaine où toutes les choses s'effritent. Mettez du ketchup, s'il vous plaît, sur les frites, mais pas lorsqu'elles sont chaudes, parce que le ketchup rentre dans la frite. Quand ça rentre dans la frite, c'est dégueulasse. Ça devient juteux, hein? Puis le jus avec le hamburger, le canadien, trop cuit, c'est... Alors, 90-14, je le prends. J'entre le numéro de la carte, je dis le numéro, bon. Puis là, en souhaitant que ça passe pas, mais malheureusement, je paye mes cartes comme je paye mes comptes, puis je dois rien à personne, puis ça a passé. Tout ça pour vous dire que si vous voyez en scooter un gars avec un impair, haut et bas, ou juste le haut, mais jamais juste le bas. Dites-vous, ce mec-là l'a payé 9, 10, 11, 12, 12, 320$ et des garnottes. Puis là, je vais vous, juste avant d'annoncer mon invité, comment ça fonctionne? Parce que ça, là, c'est là, on devrait passer une musique, hein? Petite chanson pour vous... dilater l'oreille, parce qu'à force de m'entendre, on devient peut-être réactif à trop de mots. Je vais vous faire rencontrer à cet instant, en parlant de musique un peu plus polémiste, là. Mon ami Bianchi, que j'ai rencontré, je crois qu'il y a 4-5 ans, avec une chanson qui, j'espère qu'elle est là-dessus, Petit, bonjour la nuit, maintenant, référence, chute. Ah, OK. Une chanson que j'adore, qui est pour moi, dans mes favoris internes. Tes favoris internes? T'as du poil qui te pousse à l'intérieur de la tête? Non, pas les favoris accrochés aux cheveux, là, mais ce que je préfère. Et qui n'est pas diffusé hormis mon émission Errance Rénaldienne. Ben, qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, c'est ça que je veux entendre, là. À ces millions de prisonniers qui attendent la fin de leur calvaire pour une phrase mal prononcée, pour un oubli bien secondaire. À ces millions de gens priés de bien vouloir enfin se taire, car leurs idées sont des engrais pour dissidents de la misère. Je dis silence, on pense. Je dis silence, on danse. À ces millions de pauvres têtes qui rôdent dans les bidonvilles, à ces adultes débonnaires, à tous ces enfants sans famille qui sont gavés de bonnes paroles, de belles pensées, d'esprit de joie, mais dans leur vie y a rien de drôle. Même dans leur rire y a pas d'éclat. Je dis silence, on pense. Je dis silence, on danse. Et puis un jour ce sera notre tour. Ils viendront nous sonner le glas. Hey! La guerre et ses atrocités, où des millions de fous racistes scandent toujours apartheid. À tous ces gens qui tuent encore pour une couleur, une religion. À tous ces gens qui en sont morts au nom des anciennes traditions. Je dis silence, on pense. Je dis silence, on danse. Quand certains bouffent et font la fête, d'autres crèvent de faim et d'isolement. C'est pas ta faute, c'est pas ta fête. Je disais pas ça méchamment, mais à force de parler de rien, on finit par ne plus rien dire. Et les regrets sont des refrains dédiés aux mémoires des martyrs. Je dis silence, on pense. Je dis silence, on danse. Je dis silence, on pense. Je dis silence, on danse. Je dis silence, on pense. Silence, on danse. Et puis un jour, ce sera notre tour. Ils viendront nous sonner le glas. Yeah. Et moi, je n'ai pas sonné le glas à mon facteur qui m'a amené cette feuille de douane. Mais je vais juste vous relater un peu, ben même vous relater totalement ce qui est indiqué sur la feuille. Parce que ça vaut la peine. Alors, les droits de douane, c'est 39,49 $. OK, bon. Sur un achat de 232,31 $. OK. Alors, la TPS, 13,59 $. La TVP, 27,11 $. Puis, en plus, c'est là que le bas blesse et c'est là que ma rogne prend son essor. Je paye des frais parce que mon colis a été arrêté aux douanes, puis analysé pour que j'en paye. Alors pour ça, les douaniers se donnent un salaire de 9,95 pour avoir choisi mon colis, puis pour m'avoir facturé tout ce que je dois payer. C'est pour ça que ça monte à 90,14. C'est hallucinant! Pourquoi les douanes ne sont pas payées par... Les douaniers ne sont pas payés par le gouvernement canadien, hein? Pourquoi? J'ai le malheur d'être choisi parmi plusieurs. Puis en plus, parce qu'ils se sont arrêtés, on doit facturer aux clowns. On fait pas ça bénévolement, là, ce petit travail. Là. Nous sommes parmi les élites. Et puis les élites, ben ça se paye. Puis quand ça se paye, ça se paye sur votre dos, sur votre bras. Alors, la morale, c'est que quand tu payes, attends-toi à cracher. Puis quand tu craches, crois-moi qu'on va te dépouiller de tout ton dû. Dû. Oh, quel beau dû! Là, j'ai voulu vous en parler. J'ai gardé la feuille de douane, et là, devant vous, je prends la feuille de douane. On va monter le son. Monte le son, OK? Mais je parle plus parce que ça risque de vous graffiner l'oreille si un son... Alors, je prends la feuille en question, oui. Ça, c'est la feuille des douanes, ça. OK? Je peux pas déchirer parce qu'elle est plastifiée. Je peux pas parler trop fort parce que mon micro est à maximum. Et là, elle est en boule. Nous ne sommes pas filmés ce soir. Mais imaginez-vous, vous êtes intelligent, vous êtes assez KRL, donc. OK? Dans le panier. Je l'ai rentré du premier coup dans le panier, ça fait du bien en s'il vous plaît. On aura le bol de se faire frapper dessus par des colonisés. Non, ils sont pas colonisés, ils sont du Canada. C'est une zone décolonisée. Ah ouais, payés, colons. Ah ouais. Défrichés puis payés. Bon, maintenant, ça fait du bien. J'ai évité un cancer encore. Aujourd'hui, le vendredi 18 août 2017, l'errance. Les errances rénaldiennes. Ben oui, c'est une montée de lait, madame. Ouais, ça fait curieux parce que je suis un gars. Les montées de lait masculines, c'est toujours plus électrisant, hein? Quoique, je connais des montées de lait féminines qui... Ouh! Ça ressemble à la chanson de Léo Ferré. La mer. C'est pas de Léo Ferré, c'est Charles Trenet. Mais non. La maison et la mer. La maison et la mer. Regarde-moi les signifiants. C'est pas la maison et la mer. Je vais te le dire, moi, c'est... il est pas sur l'album ici. C'est la mer, là. C'est... monsieur. Ah ouais. Je meurs de ma petite mort. Croyez-vous que la semaine prochaine... Mais comment ça, croyez-vous? Tu demandes aux gens s'ils croient que la semaine prochaine... Ben oui, ils croient bien que la semaine prochaine arrivera. Si eux n'en profiteront pas, le reste de la population va en profiter. Oui, ils risquent d'avoir une semaine prochaine. Mais en même temps, vivre au jour le jour, parce que cette semaine prochaine-là ne pourrait peut-être plus jamais être la prochaine. Oui, parce que ce que tu viens de dire, Didi, je suis toujours... Écoute-moi, mon numéro 1. Lors du Radioton de Ségolène, je suis toujours là pour dédicacer parce que je dément ce que je viens de dire et je dis ce que je dément. Je dédicace et je me rends compte que dans ma filée, il n'y a personne, donc il n'y a pas de filée. Et là, ce que je fais, je me lève de ma chaise et je me place au niveau du fan. Pas du ventilateur, là, mais de celui qui aime ce que je fais. Puis là, je demande à personne parce que c'est comme je me suis levé, je suis plus là. C'est compliqué, hein? Je me demande de me dédicacer. Puis là, j'essaie de me dédédédédéd, puis là, je suis pas capable de démentiel, cette affaire-là. C'est démentiel. La semaine prochaine, si on a une semaine prochaine, je vous ferai entendre la mémoire et la mère. Voilà, c'est revenu, la mémoire et la mère. Grâce à ça, je vais frapper, je suis heureux, là. La mémoire et la mère. Ce qui me manquait, c'est la mémoire. Il me manquait le mot mémoire. C'est quand même fou. C'est fou. Ça pourrait être, je sais pas, ça aurait pu être l'enveloppe et la mère. Mais non, c'est la mémoire. Je me souvenais plus du mot mémoire. Ouais, on comprend. On a compris depuis le début. Arrête de rouler là-dessus. Mais je roule là-dessus parce que je trouve ça démentiel. Démentiel m'en vaut. Je fais une publicité pour l'émission de demain. Démentiel m'en vaut. Oh, c'est incroyable. Aujourd'hui, le vendredi 18 août 2017, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la comédienne Constance. J'ai connu, il y a de cela une bonne vingtaine d'années, une collègue de travail qui s'appelait Constance. Donc, c'est un prénom que j'adore. Constance Petrelli. Comment veux-tu le dire? Constance Petrelli. Oh, tu as avec même l'accent, oui, Petrelli. Mais ça, j'ai travaillé ça, là, bien sûr, à l'Acteur Studio. C'est Al Pacino qui a rencontré Constance Petrelli et qui m'a dit, écoute, parce qu'il parle français, même avec l'accent québécois. Écoute, je sens bien que tu veux me nommer ce nom-là. Mais cette fille, cette comédienne, cette sublime créatrice mérite l'accent. Tu dois appuyer sur la bonne, sur les bons mots. Alors tu dis Constance Petrelli. Et là, j'ai comme allumé, j'ai dit oh. Moi, c'est Al Pacino. Oh! Merci! Il dit, il n'y a pas de quoi. Il me dit, il n'y a pas de quoi. Al Pacino me dit, il n'y a pas de quoi. Alors, je vous présente Constance Petrelli, à Errance Rénaldienne, maintenant. C'est vrai que tous les deux, ils avaient l'air vraiment très amoureux. Mais quand venait le soir, à tous les coups, il y avait des histoires. Les assiettes volaient, on entendait les portes qui claquaient, les insultes pleuvaient, ils trépignaient, ils se battaient. Chaque jour que Dieu faisait, elle voulait le quitter. Et elle jurait qu'elle ne reviendrait jamais. Chaque jour que Dieu faisait, elle voulait le quitter. Et il jurait qu'il n'aurait aucun regret. Elle dormait à l'hôtel ou au jardin si la lune était belle. Et au petit matin, on les retrouvait main dans la main. Comme si rien ne s'était passé. Et jusqu'au crépuscule, les oiseaux chantaient, le soleil brillait. Chaque jour que Dieu faisait, elle voulait le quitter. Et elle jurait qu'elle ne reviendrait jamais. Chaque jour que Dieu faisait, elle voulait le quitter. Et il jurait qu'il n'aurait aucun regret. gelée. On n'entendra plus chanter les oiseaux. Au loin vers la rivière, claqua soudain ce coup de revolver. Il voulait juste la faire taire et l'expédia au cimetière. Jamais. Chaque jour que Dieu faisait derrière ses barreaux rouillés, il pleurnichait, se désolait, il gémissait, se morfondait, il s'en voulait, culpabilisait, se dégoûtait, se torturait, il se répétait que par sa faute, elle ne reviendrait jamais. C'est celui-là qui t'a filé. Ah oui, j'allais, oui. Ah ouais, bon. Oui. Parce qu'en fait, le premier qui date de 2009, il est... j'en ai plus. Ah, ok. Ah, on peut l'écouter sur internet, mais. Bah oui. C'est vachement bien, donc tu fais ça super. Et tu rentres après avec toutes tes interviews. Oui, madame. Oui, madame. Ça va, t'es content de ton séjour, ça se passe bien. Chaque année, je suis surpris. T'es vrai? La réaction et de l'ouverture des personnes. Je rencontre autant des gens très connus que des gens de la relève. Oui, j'ai vu, c'est ça, voilà. Il y a de l'artiste en développement, mais aussi des artistes plus installés. Oui, ouais. Même très installés. Oui, ouais, très installés. J'ai vu l'autre jour... Arthur H, voilà. Ouais. C'est super, hein. C'est bien. Non, mais l'ouverture d'esprit, c'est plutôt toi, là, parce que de s'intéresser à des artistes de tous les niveaux comme ça, c'est bien. La musique, c'est de la musique, hein. Puis Arthur H a fait un premier album avant de faire ce qu'il fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Il a terminé ses œuvres complètes. Je vais lancer bientôt avec des inédits dans tous les sens. Je suis très heureux de te rencontrer. Moi aussi, très heureux. Parce que j'écoute ton album depuis un an. D'accord, ouais. Et j'aimerais un peu savoir là, à qui je m'adresse. Es-tu parisienne? Si je suis parisienne, alors oui, on va dire que je suis parisienne parce que je vis à Paris depuis 30 ans. Okay. Mais je ne suis pas née ici. Ok, t'es née à quel endroit? Je suis née à Limoges. Ah oui, ok. Ouais. À Nîmes? À Limoges. À Limoges, ok, oui. Mais donc, à Limoges, c'est quand même... C'est le centre. Non. C'est pas une des régions de France, tu vois, c'est pas comme la Bretagne où il y a une vraie scène musique actuelle. Limoges, ils mettent l'accent en fait plus sur l'art contemporain. Et la musique, c'est pas... voilà, mais je suis partie à 18 ans, quoi, tu vois. Est-ce que tu y retournes? Oui, de temps en temps, parce que c'est une région que j'aime beaucoup et j'ai encore des amis là-bas. J'y vais bientôt, là. Parce que tu vas te ressourcer. Exactement, il y a une très belle campagne à Limoges. Toi qui viens du Canada, tu apprécierais... Moi, j'ai du Québec. Oui, Québec, pardon. Ouais. Ah, c'est encore mieux. Du point de vue de la nature, je veux dire. Ah, oui. Et Limoges, c'est très... les alentours de Limoges sont très jolis. Il y a une très belle campagne, donc j'aime bien y aller. Bon, j'y vais pas aussi souvent que je voudrais, mais... La vie aussi est tellement accaparante qu'on peut pas faire tout ce que l'on veut. Ouais, ouais. Il faut s'aligner et faire ce que l'on peut. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Est-ce que tes parents écoutaient de la musique avant de... Oui, alors chez moi, on écoutait de tout sauf du jazz. Pourquoi le jazz Je sais pas, c'est pas arrivé jusqu'à nous. Aujourd'hui, à l'écouture, c'est comme un vieux réflexe de l'enfance, le jazz. Non, moi j'aime bien le jazz vocal. Après, plus tard, toute seule, j'ai écouté Ella Fitzgerald et tout ça, tu vois, Nina Simone. J'écoute encore pas mal, enfin, je regarde encore surtout des vidéos de live, surtout Nina Simone pour voir comment elle fait au piano et tout. C'est ça qui m'intéresse, c'est comment elle... Et comment elle est avec son piano. Et donc après, moi, j'en ai écouté un peu du jazz vocal toute seule, tu vois, mais chez moi, c'était pas le principal. Il y a surtout beaucoup de chansons françaises, de la musique classique. Et puis des choses, j'avais un frère qui allait en Angleterre tous les ans, Ils rapportaient plein de vinyles, tu vois, l'été. Donc toi, tu piquais les vinyles. Moi, je me précipitais sur sa valise quand il rentrait. Et grâce à lui, j'ai découvert Ricky Lee Jones, des gens comme ça, tu vois. Et aussi, et puis bien sûr, tout le rock des années 70. C'était un fan des Rolling Stones. Et voilà. Tu n'as pas uniquement une culture musicale, tu as une culture cinématographique, tu adores le cinéma. Oui, alors disons que c'était et mes premières amours. Oui, enfin un peu plus pointu, oui, c'est parce que le nom du groupe vient du film de Godard. Ouais. Donc, mais c'est pas parce que tu l'as vu, c'est parce que ça t'a comme accroché. Alors oui, c'est parce qu'en fait je voulais. C'est vrai que mes premières amours c'était le cinéma, je voulais être scénariste. Je voulais vraiment raconter des histoires. Donc les chansons c'est un peu ça en fait, hein, en tout petit, tu vois. Et quand je me suis mise à la musique, du coup, je voulais un nom de groupe qui soit un nom de film. Donc j'ai fait toute une liste de noms de films et Une femme mariée est celui qui est ressorti parce que c'était un peu un peu second degré, ça se retenait facilement, c'était un peu mystérieux, tu vois. Donc j'ai gardé ce nom-là, non, pas du tout. Je suis pas du tout mystérieux. Et en fait, j'avais pas vu le film. Oh. Et je l'ai toujours pas vu d'ailleurs. Mais par contre, je sais te dire ce qu'il raconte. En fait, c'est un film qui était très. Tu le connais. Je connais le Prêt Godard. Ah bah très bien. Formation à cinéma. Alors bah voilà. Heureusement que t'es là. Tu vois, tu connais mieux que moi. Mais. Godard disait à propos des marginaux. Les marges, c'est bien parce que ça tient des lignes en place. C'est vrai. Et en même temps, est-ce que tu te considères comme une marginale? Non, pas du tout. Non, non, alors moi je suis très. Je suis assez bobonne en fait, tu vois. J'ai ma petite vie. Voilà, il se trouve que j'écris des chansons parce que j'aime ça, mais. En vis-tu facilement ou... Non, non, non, non, c'est très difficile. Alors, t'as un boulot. C'est très difficile, voilà, oui, j'ai toujours eu des boulots à côté. Hein. Est-ce que ça s'associe un peu à ce que. Au tartiste ? Alors, par moment, là justement, avec Fleur, on parlait de ça. On voudrait monter des ateliers d'écriture. Ouais. Pour les femmes en prison. Voilà, on voudrait faire ça pour les femmes en prison, mais en fait moi ça m'intéresse dans plein de domaines. J'aimerais bien faire ça aussi pour les personnes âgées qui ont Alzheimer. Parce qu'on s'est rendu compte que. Pourquoi tu fais ça? Parce que ma mère souffre d'Alzheimer et d'être très dément. J'ai cru que tu parlais de toi. Non, mais je suis le prochain. Tu es concerné pas, bah oui, mais ouais. Tu sais, moi c'est pareil, c'est difficile. C'est toi la prochaine? Parce qu'il y a des tests. Probablement. Ah oui, non, j'ai pas passé les tests. Non. Okay. En fait, on est 12 enfants. Elle sera passée le test, c'est pas elle. Ah d'accord. Moi, je veux rien savoir. Je veux même pas à l'hôpital. T'as raison, ça se soigne pas, de toute façon, vraiment. Non, mais au moins, je suis pour l'arrêt de vie quand on décide. Donc. Oui, enfin, le problème, c'est que là, les gens ne peuvent plus tellement décider. Non, non, non, non, non, mais quand tu commences à. Ah oui, d'accord. À perdre vie. Au début. Oui, c'est ça. Ben oui, je te dis pas quand c'est rendu. Parce qu'il y a plusieurs temps. Mais alors, faut faire de la musique, Reynald. C'est bien si tu en écoutes beaucoup. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte depuis une quinzaine d'années que écrire des chansons, ça freinait la maladie, parce que ça avait travaillé une partie du cerveau qui ne travaille jamais d'habitude, enfin, chez les gens qu'on ne fait pas. Et donc, je voudrais monter des ateliers d'écriture pour les personnes qui sont touchées par cette maladie. À l'Alzheimer. Voilà. Donc, tu vois, ça et peut ça, être... c'est au début, comme je disais, c'est au début de la maladie. Oui, bien sûr qu'on ne peut pas faire ça. Je pense que les gens sont... Oui, non. Oui. Mais globalement, travailler la musique, c'est un remède à beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Mais tu sais que lorsque les gens souffrent de dépendance, à chanter, on peut dire n'importe quoi. Oui, je sais ça. Je le savais pour les acteurs. Parce que je connaissais des comédiens qui bugayaient énormément dans la vie. Dès qu'ils étaient sur scène, impec. C'est fou. Ah, ouais. C'est fou. Ouais. Mais c'est la vie en même temps. La vie, c'est fou. On ne sait pas pourquoi que l'on fait une réaction à ça et non pas à ça. Puis devant des gens, on est comme ça. On est plusieurs facettes. Et Dieu merci. Et toi, le travail de création, c'est un travail que tu explores depuis longtemps? Oh, depuis, oui, je dirais... presque une vingtaine d'années. Enfin, étais-tu solitaire? Non, pas spécialement. J'étais un peu rêveuse. Mais j'étais pas solitaire, non, non, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance aux amis. Encore maintenant, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai besoin, vraiment. Mais beaucoup, c'est il faut que tu puisses... Ça demande du temps. Ouais, c'est ça, il faut que tu puisses les rencontrer. Oui, les... ça demande du temps. Quelquefois, on a l'impression qu'on a... On en a trop? Non, pas qu'on en a trop, on n'en a jamais trop, mais qu'on a... qu'on n'a pas de temps de se... Ah, tu crois? Je sais pas, peut-être. Oui, oui, de reconstituer une famille ou je sais pas. Une famille que tu n'avais pas ou que tu avais. Si, que j'avais pourtant, mais je pense que, voilà, j'aime bien. Le côté trop... Échanger. Savoir que... À musique? Tu peux toujours... Ah, ouais, bon, musique. Oui, c'est ça, ouais, en même temps, oui. En musique, c'est que ça. À te proposer. Voilà. Okay, c'est ça. En musique, c'est que ça. Hein. Le partage, je regarde avec Fleur, là, c'est exactement ça. On s'est rencontrés donc dans un stage. On a travaillé 2 mois ensemble, vraiment tout le temps. Et à l'issue de ce stage, on s'est recroisés sur des concerts, on s'est invités. Et pour finir, il y a très peu de temps, il y a 2 mois, on a fait ce concert à Fresnes, toutes les deux. On a mélangé nos 2 répertoires. Tu vois. Plus, on a ajouté... des reprises qu'on a travaillées toutes les deux. Elle était à la guitare, j'étais au piano. On faisait des chœurs toutes les deux, des claps. C'était génial. Et du coup, à la suite de ça, on s'est dit, oh, faut qu'on fasse quelque chose. Ah, et tu vois, entre vous, hein. Voilà. Mais tu vois, par exemple, là aussi, une question de temps. Ça, c'était au mois de mars, je crois. Oui, c'était pour la journée de la femme. Le 8 mars. enfin, voilà, très symbolique. Et donc on jouait pour les femmes à Fresnes qui sont une centaine. Elles étaient 20 parce qu'elles ne peuvent pas toutes venir s'inscrire, mais elles sont une centaine pour 2000 hommes à la prison de Fresnes. Et donc c'était déjà au mois de mars, regarde, on est fin juin, on est début juillet et on a ce projet, on n'a pas eu le temps, voilà, on se croise là, c'est super, mais on n'a pas eu le temps de, tu vois, de bosser là-dessus. Voilà. Mais en même temps, lorsque tu fais de la as-tu quelque chose à dire? Alors j'aime bien, en fait, il m'est resté de, je pense, de du côté scénariste. J'aime bien vraiment que ça raconte. J'aime bien raconter des histoires. C'est assez concret mes textes. Hein. Okay. T'as vu dans le même dans le cas de titre que t'as eu. Il y a toujours une possibilité de clip derrière. Malheureusement, j'en ai pas encore fait, mais qui soit, c'est très visuel, quoi. C'est vraiment une histoire. Il y a beaucoup d'histoires d'amour, mais à chaque fois avec des angles différents. Et j'aime bien aussi que ce soit assez léger les textes. Bon, il y a des chansons un peu plus intenses, mais alors j'avais besoin de légèreté, et puis maintenant je suis en train un peu de changer, je pense, sur ce plan-là. Il est possible que la suite de l'album que je dois écrire là soit plus intérieure. Oui, peut-être, voilà. Tu ressembles à Catherine Braille, hein? Ah non, c'est vrai, moi j'aime. Donc, c'est en réponse au premier album que tu prépares un deuxième. Voilà. Alors, le cas de titre que tu as eu, en fait, c'est censé annoncer le deuxième album. Le premier album, il est sorti en 2009, il est complètement indépendant, il y a d'autres chansons dessus. Et voilà. Selon Pierre Fa, la meilleure de l'album, c'est la dernière. Et d'après toi, c'est dur, hein, de choisir un enfant parmi... Alors, la dernière, c'est... La voiture, non? Ah oui, la Chevrolet. Ouais. Oui, Pierre, il adore cette chanson. Bah, c'est la plus, on va dire, accessible. Ouais, c'est ça. Voilà, accrocheuse, voilà. Toi, tu... Après, non, moi j'ai... Bon, c'est vrai que je l'aime bien, quand même. Ouais. Après coup, je l'aime bien. Ouais. Oui, c'est vrai que je l'aime bien. Y a une chanson d'amour sur ce disque qui s'appelle « L'amour qu'a bossé », qui est une chanson de vieux couple. Et celle-là, j'aime bien aussi, parce que y a pas beaucoup de chansons sur les vieux couples, en fait. Il y a beaucoup de chansons sur la passion, sur les débuts, sur... Donc c'est... Voilà, c'est ma chanson sur les vieux couples. Et qu'est-ce qui te fait prendre le crayon? Alors, c'est pas facile de prendre le crayon. Hein. Là, tu vois, en ce moment, par exemple, je devrais le prendre un peu plus. Parce que tu prépares l'album? Oui, non, mais je suis... Oui, mais bon... Est-ce que c'est la musique qui arrive avant? Oui, la musique, elle arrive... La musique, je trouve ça... Ça tient plus de l'inspiration, la musique. Les textes tiennent plus du travail, vraiment. Vraiment, comme on dit, l'inspiration, c'est rapprocher... Oui, je trouve, voilà. Et quand on dit, tu sais... Et l'autre, c'est plus le loisir. Voilà. C'est plus inspiré. Moi, je peux me réveiller le matin, je pense que ça arrive à beaucoup de gens, avec une mélodie dans la tête, tu vois. Avec un texte dans la tête, c'est moins évident. Il faut... Surtout qu'on peut fredonner en lavant la vaisselle. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est un truc très léger, en fait, la composition. C'est... C'est très factice, c'est très... C'est un peu comme les senteurs, ça passe. Oui, c'est ça. Il faut être disposé à ça. Tandis que pour certains, écrire, ben là, ça demande quelque chose de se poser. Oui, oui, c'est vrai. Prendre un crayon et réfléchir ou se laisser aller. Voilà, il faut se mettre en condition, en fait. Et toi, quand tu te mets en condition, est-ce que c'est surtout à compte pour arriver rapidement à rentrer en toi ou si... Si c'est pour rentrer en liaison avec les mots, est-ce que c'est les émotions ou c'est les mots qui avaient été laissés? C'est les mots. Alors, tu n'as pas d'idée à l'origine, c'est les mots qui... Alors, si. En général, j'ai toujours 4-5 thèmes qui me traînent dans la tête, ça peut durer un an, tu vois. Oh, c'est long. Et oui, oui. Et puis tout d'un coup, à force d'y penser, je trouve un angle. Ah, c'est l'angle que tu... C'est l'angle. Okay. Et après, les mots. Comme j'écris en français, bon, je pense que tous les gens qui écrivent en français le disent ça et le savent, c'est difficile de faire sonner le français. Il faut vraiment... Tous les mots sont pas intéressants. Il faut vraiment faire un gros travail là-dessus. Donc, oui, les mots, bien sûr, il faut des mots percutants, il faut des mots rythmiques, tu vois. Bon, ça dépend ce qu'on fait comme musique, mais moi, j'aime bien que ça sonne, que ça soit rythmé. Chez nous, on appelle ça « rentre dedans », pour ça « rentre dedans ». Oui, bah oui, c'est exactement ça. Il faut vraiment que ce soit percutant, rentre dedans, énergique. Et donc, pour moi, les mots, c'est plutôt le bout de la chaîne. Tu vois, il y a l'idée, et après, l'angle. Comment je veux que ça soit présenté, comment je veux que ça se passe, et après, les mots. Voilà. Et comment tu veux apporter l'idée que tu tiens à véhiculer? Est-ce que tu veux que ce soit un peu pop, un peu rock, un peu... Alors ça dépend des albums, et c'est quelque chose qui évolue aussi beaucoup d'un disque à l'autre. Sur celui que tu as eu, le 4 titres, j'ai travaillé avec un groupe de folk, ouais, qui s'appelle les Youless, un groupe de l'Est de la France, et qui est composé de deux frères. Bon, après il y a des musiciens autour, mais au départ c'est eux qui écrivent, qui réalisent, etc. Et je les ai rencontrés dans un festival. C'est bien le festival parce qu'on raconte plein de personnes. C'est génial. Ouais. On a été trois groupes le même soir et on a sympathisé dans les loges et tout. J'ai vu leur spectacle, ils ont vu le mien. Et voilà, enfin, déjà humainement, ça a super bien collé. C'était ça qui était important déjà pour moi au départ. Et il se trouve que j'étais entre deux équipes. J'avais plus l'équipe du premier disque, je savais pas trop ce que j'allais faire, etc. Eux étaient entre deux albums aussi et ils avaient envie de travailler pour. Un peu de réaliser des choses pour d'autres artistes qu'ils n'avaient jamais fait. Et aller ailleurs aussi. Voilà, et en attendant, tu vois. Et du coup, en fait, moi, je leur ai envoyé des morceaux en piano-voix. Et ils me les ont envoyés quasiment comme tu les as entendus sur le disque. Donc, il y a vraiment leur son. C'est un son vraiment folk, tu vois. Et toi, comment t'as pensé? Moi, je savais un peu, okay. Je m'attendais un peu à ça parce que j'avais connaissé leur musique, tu vois. Okay. Et donc, je me disais, ça peut être intéressant. Avec des textes en français, vraiment un truc qui est très chanson française. Alors ça colle très bien. De le mêler, voilà, et tu vois, j'ai trouvé que le mariage était intéressant. Donc j'ai été convaincue tout de suite, pas tellement étonnée de ce que j'ai entendu, je m'attendais à peu près à ça. J'ai trouvé ça encore mieux que ce que je pensais. Ah oui, ben, oui. Et du coup, on a continué à travailler comme ça. Et maintenant, ils m'accompagnent sur scène aussi. C'est-à-dire qu'on est trois sur scène, je suis au piano. Il y a Guillaume qui est à la guitare, qui est le principal arrangeur de mon album, et Bertrand qui est à la basse. Ils font aussi un peu de percu derrière et des chœurs. Est-ce que tu sens l'évolution de l'écriture et de la musique, ou si c'est tout à fait normal, ça coule de source? Il n'y a pas de surprise, c'est vraiment ce que tu voyais arriver au bout du tunnel. Ah oui, tu veux dire quand la chanson est faite? Les albums, les Ah oui, d'accord. Si, bien sûr que tu sais jamais trop où tu vas. Hein. Enfin, moi, en tout cas, il y a peut-être des gens qui savent mieux, mais... Non, moi, c'est un peu à chaque fois l'angoisse, d'ailleurs, de me dire... est-ce que je suis pas en train de faire un truc parfaitement inutile, tu vois, où je vais pas aimer du tout et où il va falloir tout reprendre à zéro? Et quelquefois, j'ai pas une expérience de disque non plus monstrueuse, hein, j'en ai fait deux, mais enfin trois avec un premier EP qui est jamais sorti mais qui a existé quand même, que je vendais à la sortie des concerts. Voilà. Il y a toujours une part de mystère pendant que tu es en train de travailler, là quand tu es dans le studio, pour chaque chanson, et de voir surtout si à la fin va se dessiner une espèce de cohérence, ouais, tu vois. C'est ça. Et là, je trouve que pour ça, c'est très important, les gens avec qui tu travailles. Est-ce que le satire va tenir? C'est ça l'histoire. Est-ce que le satire... Oui, c'est ça, voilà. Et en fait, c'est très important d'avoir des gens en qui tu as confiance, qui savent te dire, avec telle chanson, je pense qu'elle est moins intéressante, qu'on va... Alors, c'est eux qui créent lancement aussi. Oui, ils sont quand même... Alors, c'est un travail d'équipe, tu vois, mais moi, je compte beaucoup, beaucoup sur les gens avec qui je travaille pour... Parce qu'eux sont loin. Oui, voilà, ils ont un point de vue, et puis en général, ils ont plus d'expérience que moi aussi, et de l'écriture, et de la scène, et du studio, et de tout. Donc, voilà. Là, en tout cas, avec les Youless, ça a été une vraie rencontre où je sais que... A priori, je ne prends pas grand risque. Guillaume, il va m'emmener, tu vois, vers quelque chose de goût, en fait. Il a bon goût, tu vois. Donc, je me dis... Alors, bon après, goût c'est selon toi. Oui, bon goût selon moi, bien sûr. Mais voilà, absolument. Oui. Est-ce que c'est la musique qui arrive avant les mots ou ça n'a aucun rapport et ça dépend de tout? Il n'y a rien de sclérosé, il n'y a rien de posé? Non, en général, c'est quand même la musique qui arrive avant les mots, avec, je te dis, des thèmes que j'ai là, et où je me dis, ah tiens, que telle musique. sans laisser de traces. Je m'en veux de n'avoir su lui laisser toute sa place. Revenu sans jamais perdre la face, il se braque et nous menace, nous attaque et nous enlace. C'est un piège qui nous tend, il se relève à présent. Épuisé, prêt à tout abandonner, mais n'ayant rien oublié de nos promesses passées. J'ai pensé il y a 6 mois, tac, je le ressors, puis on va essayer. Mais les thèmes que tu veux exploiter encore aujourd'hui, ce sont lesquels? Alors, ce sont des histoires en général. Ah ouais, attends, qu'est-ce ouais. que j'ai en ce moment? Par exemple, en ce moment, là, je veux faire une chanson, et ça fait des mois que j'y pense, tu vois, elle est okay. pas mal. C'est long à cogiter. Oui, c'est très long à cogiter. Et puis, quelquefois, on a l'impression qu'on travaille pas, et puis, à force d'y penser, un jour, ça sort, tu vois. Et là, ça, c'est une chanson sur un... sur un monsieur qui décède et ses fils savent qu'il avait un flingue et ils cherchent le flingue dans son appartement et ils le trouvent pas. Voilà, c'est juste ça, c'est cette histoire. Et toi, est-ce que tu sais comment ça va se finir la chanson? Ouais. Oui, je pense, à la fin ils vont me retrouver. Est-ce qu'ils vont marquer une balle? Alors non, je pense pas qu'il y aura de violence. C'est juste mais sur. Pourquoi tu veux raconter ça? Je veux raconter ça parce que je trouve que quand les gens décèdent, en fait, il y a toujours une part de mystère, de choses qu'on se rend compte qu'on ne sait pas tout d'eux, tu vois. Et ça peut être à travers un objet comme ça qu'on. Mais pourquoi le fusil? Pourquoi pas une pipe? Pourquoi pas un. Parce que c'est plus. C'est ça, c'est. Symbolique. Et puis ça, ça raconte plein de choses, tu vois. C'est très masculin. Voilà, ça raconte plein de choses. Après, ce personnage, il va être caractérisé aussi, tu vois, par d'autres choses que le flingue. Mais que la complexité, c'est pas de raconter une histoire en 4 minutes. Eh bien oui, c'est ça. C'est un court-métrage, mais... Voilà. Enfin, pour le moment, en tout cas, voilà, moi j'aime bien les chansons comme ça. As-tu déjà commencé à rédiger Oui, voilà, j'ai déjà posé des mots que je l'utilise absolument, d'autres où je sais que non, ce ne sera pas la peine. Et tu as étudié en cinéma? Tu as étudié la scénarisation? Oui, j'ai fait une école, oui, de... Alors, t'es-tu du genre à écrire extérieur nuit? Oui, voilà. Pour poser une ambiance, en fait, ouais, tu vois. Ouais, ok. Mais que tu diras jamais... Oui, dans la chanson, forcément, non. Oui, oui. Mais c'est juste pour toi. Sinon, comme ça, la chanson de Motte... Oui, oui, ah, oui, oui, oui, oui. Et ça, ça fait longtemps. Elle est géniale, cette chanson. Ouais, c'est, j'aime beaucoup. C'est qui, donc, qui chante ça, donc? Eh ben, c'est pas... Chédid? Louis Chédid? Louis Chédid? Ah, ça se peut. Ah oui, je crois que oui. Ça semble bien, hein? Oui, ça se peut, oui. J'aimais beaucoup ce morceau. Oui, oui, oui. Mais surtout que nous, on est issus du cinéma, donc... Oui, voilà. Oui, mais... Toi, t'as fait une école au Québec? Oui, à l'université. D'accord. Création littéraire, philosophie, cinéma. D'accord. Qu'est-ce que le cinéma te... Est-ce que ça te fait rêver? C'est pour ça que tu veux faire de la musique cinématographique? Alors, ça, je te dis, c'était vraiment mes premières amours. Maintenant, je suis quand même plus... plus tourné vers la musique, mais... Non, mais tu peux faire de la musique cinématographique. Oui, oui, oui. Alors après, j'ai jamais fait de musique de film, ça j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Ça viendra peut-être. Tu vois, si j'ai une occasion, je vais m'infiltrer. Mais le cinéma, est-ce que tu en manges beaucoup? Est-ce que tu en regardes beaucoup? Alors j'en regarde, oui, oui, oui, j'en regarde pas tant que ça, mais quand même. Préfères-tu les films de répertoire ou Alors, ça dépend de quel répertoire. J'aime bien le cinéma italien, okay. Des années 60. Fellini, bien sûr. Voilà, tout ça, ouais, ça j'adore. Ouais, ouais. Visconti. Oui, aussi. Mais alors, attends, qu'est-ce que j'ai vu récemment Le Pigeon. Oui. Tu vois, c'est, alors, je sais pas, il y a un grand scénariste italien qui est mort il n'y a pas très longtemps. Je sais plus comment il s'appelle. Qui en fait est intervenu dans plein de films de cette époque, comme scénariste, tu vois, donc il n'est pas super connu, enfin, du grand public. Et donc c'est ce cinéma qui est à la fois, c'est toujours drôle, et en même temps ça raconte des choses super tristes, avec des gens qui ont plein de problèmes, qui n'ont jamais d'argent. C'est dans, tu vois, tu es affreux, genre Affreux sale et méchant aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, quel film, le rêve là-dedans. Il y a un film que lorsque tu fais des études, hein, qui revient tout. Oui, il y en a qui... Et que j'ai vu récemment, que je n'avais pas vu pendant mes études, c'est Mort à Venise. Ah oui, moi, je l'ai vu il y a très longtemps, ça. Moi, je l'ai vu il y a quelques mois. C'est quelque chose, vraiment. Ouais. C'est très, très fort. Très fort. Puis je crois pas que ce film-là pourrait être réalisé actuellement. Étrangement. Étrangement, je crois pas. Bah déjà, faudrait... Ça parle de pédophilie. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a... Ça parle d'homosexualité. Ouais, ouais. C'est, pour l'époque, c'était archi-moderne. Ouais, ouais. Oui, mais aujourd'hui, on est en 2016, nous évoluons, mais ça pourrait jamais passer. Enfin, il y a quand même eu le film qui avait... Bon, c'est pas du tout le même genre, mais sur l'homosexualité, le film qui était à Cannes il y a 2 ans, là, de Kechiche. Comment ça s'appelle Sur l'homosexualité féminine. Ah. Mais Braya, en parlant de Braya, elle écrit beaucoup là-dessus. Catherine Braya. Oui, alors moi, le dernier film que j'ai vu d'elle, c'est ce film avec Isabelle Huppert, où elle est extraordinaire, où elle est... Braya raconte sa propre histoire, en fait, quand elle s'est fait avoir par... Oui, le livre, là. Oui. Oui. J'ai beaucoup aimé ça. Oui. Elle est très malade, hein? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle a, donc? Bah, elle a eu un AVC, je crois. OK. Oui, oui. Okay. Ouais. Mais c'est une femme extraordinaire d'énergie d'énergie. Elle a tourné son film après ça, après avoir eu plein d'emmerdes à cause de ce mec-là. Elle a travaillé avec Piano. Mmh. Quel homme, Piano. Mmh. Quel homme. Et le cinéma, c'est très rare quelqu'un qui veut chanter le cinéma comme tu le fais, qui veut, comme disait Reggiani, qui veut chanter, raconter des histoires. Je sais, des histoires. C'est des chansons de l'histoire. Et le plaisir pour toi sur scène, c'est quoi? C'est de refaire, c'est de projeter ce film-là? Oui, c'est un peu dans le sens que je travaille quand je travaille la scène. Bon, moi, la scène, j'ai commencé assez tard. Ouais. Ça a été quelque chose de difficile. Hein, parce que tu ne veux pas te montrer. Oui, il y a peut-être ce coup ça. Ouais. Pourquoi? C'est vrai que j'aimerais bien jouer dans le noir, en fait. Non, mais parce que c'est vieux. Oui. Il y avait Tricky qui faisait ça aussi. Ouais. Non, puis c'est, tu vois, c'est quand même violent, l'idée, bah, j'arrive, je me montre. pense pas que tout le monde soit fait non. forcément pour ça, quoi. C'est un... Mais en même temps, l'envie de présenter les chansons prend le dessus. Mais en même temps, tu peux faire juste des albums comme Gérard Marcel le fait. Oui, je peux, mais enfin bon. Ouais. T'as quand même envie de... Pour certains, ouais. Tu vois, de... Il y en a qui est bidouillé dans leur studio comme lui, et il y en a d'autres qui veulent raconter et aller montrer leur histoire. Moi, j'aime bien. Il y a quand même certains concerts qui sont vraiment des moments extraordinaires, tu vois. Que t'as fait et que tu gardes... Oui, ou voilà, où il y a eu un vrai échange, tu sens que les... Après, les gens viennent te voir. Est-ce que c'est difficile de revenir à la vie normale après avoir fait un spectacle aussi Écoute, moi j'ai une famille, je ne suis pas toute seule au monde. Okay. Et donc je pense que ça simplifie beaucoup les choses en fait. Ça remet sur ça te pose, voilà. Parce que j'imagine que quand. Bon, j'ai malheureusement jamais fait de grande tournée, tu vois, j'aurais beaucoup aimé. J'espère ça, que ça. Non, mais pourquoi tu parles pas ? Dans la famille, c'est charmant, il y a un enfant. Quand ils vont à la fête au village, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il est sage. Les parents discutent tranquille, le petit joue aux billes, vraiment laissé charmant, quelle jolie petite famille. Dans la famille en douceur, il y a deux successeurs. Quand ils vont faire le marché, tout le monde est impressionné. Les parents achètent du bio, les petits n'aiment pas le McDo. Avec les en douceur, oh là là, c'est que du bonheur. Dans la famille, je me lève tôt, il y a trois marmots. Quand ils vont à la grand-messe, tout le monde s'écrie, les v'là, poussez vos fesses. Les parents prient la Sainte Vierge, les petits tiennent le cierge. Mon Dieu, les je me lève tôt, c'est un sacré troupeau. Dans la famille, pousse-toi de là, il y a quatre goujats. Quand ils vont au cinéma, tout le monde se dit 22, v'là la smala. Les parents mâchent du chewing-gum, les petits bouffent du pop-corn. Avec les pousse-toi de là, c'est vraiment n'importe quoi. Dans la famille, on est plein, il y a cinq chérubins. Quand ils vont au restaurant, patron s'écrie au secours, c'est le grand débarquement. Les parents sont débordés, les petits balancent du steak haché. Non mais franchement, ceux-là, on se demande qui c'est qui les a élevés. Dans la famille ouragan, il y a six descendants. Quand ils vont à un anniversaire, tout le monde soupire, oulala, quelle galère. Les parents s'engueulent, les petits font que de brailler. Non mais dites donc les ouragans, fallait pas les inviter. Dans la famille à foison, il y a sept rejetons. Quand ils vont au bistrot d'à côté, le serveur leur dit désolé, on est complet. Les parents tapent le scandale, les petits perdent les pédales. Vraiment, à foison, vaut mieux avoir une photo qu'en pension. Dans la famille, sauf qui peut, il y a des morveux. Quand ils vont faire un pique-nique, tout le monde est en panique. Les parents foutent le bazar, les petits font péter des pétards. Avec les sauf qui peut, y'a pas moyen d'être pénard. Dans la famille, moi je décroche, y'a une quinzaine de mioches. Quand ils vont chez des dessins d'amis, ça se termine en tragédie. Les parents s'embrochent, les petits se mettent des taloches. Avec les moches décroches, c'est la catastrophe. Dans la famille, moi je divorce, il y a 18 gosses. Quand on les voit débouler, tout le monde est très gêné. Qui est le petit frère de qui et la grande sœur de qui serait le frère de sa sœur. Et avec tous ces frangins, personne ne comprend rien. Quand on reste à la maison, tout le monde chante à l'unisson. On invite les copains, on tape dans nos mains. Les grands jouent du violon, les petits du violoncelle. Et quand on pète les plombs, c'est un joyeux bordel. On tape sur des casseroles, on joue du rock'n'roll. On fait la farandole, on danse la carmagnole, on fait trop les guignols. Et on perd la boussole, on fait des cabrioles, sortez les camisoles. Je crois qu'on fait le contrôle, cette chanson n'est pas drôle. Et avec tous ces marioles, qu'est-ce qu'on rigole. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL-MF, le 89 Hall à Québec, avec Rénald Garnier. Ma haine a fait son choix et sur moi s'est portée. Elle n'est pas mal tombée et s'en est contentée. Ce depuis le début, si elle m'abandonnait, hop, un nouvel échec et elle me revenait. Quant au vu de ma chance, elle ne m'a plus quitté. Tous les projets d'amour sont allés faire un tour. Mais enfin, pour une fois, qu'un d'entre eux se tenait. Voilà que je m'éteins et je ne respire plus. À y penser deux fois, ce sont sûrement les autres qui s'éteignent et c'est moi qui l'emporte ici-bas. Leur visage sous le nez, je ne reconnais pas ce qu'ils sont, qu'ils étaient. et je ne respire plus. Ah, je les sens perdus et même je vais leur dire leur absence à eux-mêmes, la pitié qu'elle inspire. Leur dire de but en blanc et leur faire ce procès de s'en les dire exprès alors que je m'éteins. Mur à la chaux, libas et veilleuse en sommeil. Je ne vois plus que ça et puis quelqu'un qui dort sans s'éveiller sur moi et déjà il ignore que c'est lui qui s'éteint et moi qui bouge encore. Jusqu'au bout on m'aura seriné pour avoir la clé de quelques faits dont la seule mémoire c'est la mienne qui n'a plus aucune obligation et ne veut plus me dire si je respire ou non. Mais je me dis que quand tu pars comme ça sur la route, que tu es tout le temps avec du monde, avec ton groupe et tout, si tu rentres chez toi après, après toute cette adrénaline et cette énergie, ces rencontres et tout, tu rentres chez toi et que tu es tout seul, ça doit être super dur. Même après un. Oui, voilà, même à l'hôtel, ça doit être assez, assez difficile. Et je pense que quand tu n'es pas seul. C'est mieux. Ben voilà, ça te. C'est comme tout. Ça m'est arrivé même après des concerts, tu vois, de tout simple à Paris, mais qui marchent bien. Ouais. De me retrouver chez moi le lendemain et voilà, rien que le fait d'avoir les enfants, tout ça, ça okay. La vie continue. Ça va aller. Voilà. Ça, c'est moi ce que moi. Ouais, exactement. J'ai 10 questions. On va voir si ça nous amène. Si tu étais. En as-tu entendu quelques-unes lorsque. Non, j'ai rien entendu, non. Si tu étais un liquide. Un liquide, je serais de l'eau. De l'eau. De l'eau plate, du robinet. Paris, du robinet de l'eau de Paris. C'est la meilleure eau. Elle est très bonne. Si tu étais une ville. J'ai le droit de dire Paris ? Ben oui. Parce que tout le monde te dit. Non, artistes te disent Paris, mais. Quel arrondissement ? Peut-être Paris 6e. 6e ? Ouais. Si tu étais une langue. Une langue ? Alors, j'ai. Je serais. J'aimerais bien être l'anglais. Est-ce que tu parles assez bien ? Alors, je l'ai parlé assez bien, parce qu'avant mes études de cinéma, j'ai fait des études d'anglais. Okay. Donc, il y a eu un moment de ma vie où j'étais bilingue. Ah. Et maintenant... Tu pratiques plus. Ah non, c'est affreux. Mais c'est vraiment ma langue préférée. J'aime beaucoup cette langue, elle est très ramassée. J'aurais adoré être anglophone, justement, par rapport à la musique, tu vois. Anglophone de quel endroit ? D'Angleterre. Ah ouais. Oui, elle est encore dans l'Europe. Oui. Si tu étais un mot à une époque. Les années 60. Pour l'insouciance de l'époque, pour. Oui, probablement culturel et. Ah oui, vraiment. Je trouve que notre époque à nous, elle est difficile. Si tu étais un mot. Un mot ? Ouais. C'est dur tes questions. Si tu étais un mot. Je serais peut-être. C'est-à-dire un mot toujours. Entre deux. Voilà. Il faut. Rien n'est sûr en fait. C'est ça. Ou on s'implique pas, peut-être. Peut-être. Bien sûr, peut-être. Ah, y a quand même de l'espoir dedans. Oui. oui, peut-être. Mais il y en a certains, lorsqu'ils disent peut-être, ça veut dire non. Parce qu'ils ne sont pas capables de dire non. Alors il faut comprendre, il faut avoir le décodeur. Oui, oui, moi je suis moi, pensais moi, je plus à. Si au lieu de dire non, je dis peut-être. D'accord. Mais mon peut-être, ça veut dire non. Alors là, c'est pas ce peut-être-là, moi, si dont je te parle. C'est un peut-être plein d'espoir. Si tu étais. Ah, c'est quand même assez, assez complexe. Hein. Si tu étais un aliment. Un aliment, je serais un fruit, je serais un aliment méditerranéen, enfin tu vois, un fruit mais de la Méditerranée, je sais pas, un melon ou une tomate. Si tu étais une saison. L'été. Parce qu'il fait chaud, normalement. Parce qu'il fait chaud, normalement, parce que... Normalement. Oui, ben non, mais pas à Paris. Non, mais c'est l'Italie. Je sais pas, ah bon, c'est vrai? Quel temps il fait au Québec? Quoi? Comme on dit chez nous, c'est pas vargeux. Ça vaut pas cher. C'est pas vargeux. Ouais, non, l'été. Je serais l'été parce que c'est aussi là où il y a le plus de lumière et où les jours sont les plus longs. Et j'aime mieux le jour que la nuit. Alors, tu es une fille de lumière. Ouais, je suis une fille de lumière. Je voulais la dire, je trouvais ça beau. C'est joli, ouais. Mais t'es une fille d'ombre aussi, plus de lumière? Non, plus de lumière. Si tu étais un membre corporel. Ben, ça peut être quoi, les bras, les jambes, la tête N'importe quoi, un membre corporel. Ça va du... Ben, une oreille. Bah oui, oui, voilà. Pour entendre. Sourde, tu serais triste. Ah oui, ça doit être très dur, ça. Je préfère être aveugle que sourde. Si tu étais un moment de la journée. Midi. Comme l'été. Tu vois. Zénith. Voilà. Si tu étais un autre individu. Quelqu'un, ça peut être quelqu'un décédé ou... Non, n'importe qui, à 20 ans. Je serais un garçon. Okay. Je serais anglais. Okay. Anglais d'Angleterre. Anglais d'Angleterre. Et je serais justement né dans les années 60. Et je serais un Beatles. Ok. John Lennon. John Lennon. Ouais. Pour rencontrer Yoko Ono. Non, parce que je trouvais qu'il était, il était doué. Il était? Il était doué. Oui, ah oui, oui. Bon, ils étaient tous, mais voilà. En tout cas, je serais un musicien de cette époque, garçon. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Oui, je pense. J'allais dire malheureusement, parce que c'est un chemin escarpé, mais oui, oui. Est-ce que tu as une actualité qui te plaît ou si tu voudrais que ça fonctionne davantage? Non, là, je suis un peu... Non, mais je suis surtout un peu en réflexion sur la suite, là, mais... Réflexion sur? Sur la suite pour faire l'album. Ok. Donc je suis plus en période d'écriture, tu vois, et l'actualité, à la rentrée je fais une première partie à Paris d'une amie qui sort son premier album et sur lequel j'ai... Présente, hein, parce que sur Internet... Flozin qu'elle s'appelle, voilà, je te... Oui, mais en liaison. Absolument, je fais ça, surtout qu'elle vient, voilà, elle vient de sortir son disque. Et tu as travaillé là-dessus? J'ai fait deux musiques. Pierre Foy, est-ce qu'il est autour de ça? Non, alors c'est pas du tout du côté de Pierre. Okay. Pierre, on a un ami en commun aussi, tu en as peut-être parlé, qui s'appelle Nicolas Vidal. Oui, ben oui. C'est un nom qui revient souvent dans ses... Et voilà, donc Nicolas, c'est un très bon ami aussi. On vient de faire ensemble une... Enfin, il a enregistré sur son album, et on l'a enregistré chez Pierre d'ailleurs, une reprise de Les États d'Amérique. Tu te souviens de cette chanson des années 90? Oui. Voilà, donc avec eux, on a enregistré ça chez Pierre, en duo. Et il a sorti cette reprise il n'y a pas longtemps, là. Et donc, pour tu vois, un album, est-ce que c'était une demande? Oui, non, c'était pour un album à lui. Mais sauf que oui, je crois qu'elle n'apparaît pas sur l'album, c'est un truc en plus, quoi. Okay. toi dis tout bas, on dansait, on dansait. C'était plutôt inhabituel, alors bien sûr j'en profitais. De bras en bras les gens passaient, ça n'était qu'un temps court pour se relancer et puis se remettre à danser. Parfois j'entendais quelqu'un m'appeler, personne quand je me tournais. Au 22 bar ce soir-là, on dansait. Je ne sais plus pourquoi c'était, non, pas plus que les gens qui dansaient. Si par hasard ils s'arrêtaient et ils sentaient de vieux décors se balancer, plusieurs fois manquer de tomber. Et du coup de bras en bras ils repassaient. Alors on se laissait aller au 22 bar ce soir-là. Parfois j'entendais quelqu'un m'appeler, personne quand je me chaque fois que je le voyais, je l'appelais puis me cachais. Après tout ce qu'il m'avait fait, j'attendais le bon moment pour l'aborder et sentir son sang se glacer. Donc mon actualité, c'est les vacances. Les vacances. Ensuite, c'est voilà, tout en écrivant quand même. Mais quand les vacances? À quel moment? Bientôt. Là, bientôt. Dès que je peux. Bah, dès que je peux. Dès que je peux. Ah, tu sais pas encore? Non, je sais pas encore parce que j'ai encore des choses à faire à Paris, mais. Avec les enfants. Ouais, le oui, peut-être pas tous les enfants, mais le copain, oui. Ah, t'en as beaucoup? Bah, j'en ai trois. Ok, ouais. Mais ils sont grands, tu vois, donc. Ah, bon, je sais ah, pas oui. Si, je sais pas si ils vont. Tu les as vus très jeunes? À 12 ans. Non, non, non mais... je rigole. Non, non, mais ils sont, ouais, ils sont adultes. Ah, t'as pas vraiment l'âge, là. Ah, bah, je sais pas, allez, dans les micros, on va parler pour parler de ça. Non, non, non, mais j'essaye quand. Éteins ça. Non, non, non, on dira plus tard, c'est pas grave. Okay. Ah. Et qu'est-ce que les enfants t'ont apporté au point de vue musical? Est-ce que vous... Ah, bah, je pense que leur lettre, tout, en fait. C'est-à-dire que les enfants. Moi, ils m'ont permis vraiment de devenir qui j'étais au fond, sans le savoir, tu vois. Alors, je pense que c'est grâce à eux que je m'y suis mise, en fait. Ah, c'est bien. Tu vois. Ils ont été en psychanalyse. Exactement. Parce qu'en fait, ils te permettent de mieux te connaître, parce que tu les découvres. Ah, oui. Et oui. Ils sont tous musiciens, les trois. Ils font tous les trois de la musique. Ah, ouais. Il y en a un qui veut travailler là-dedans. Tu penses faire quelque chose avec eux? Non, non, les pauvres. Pourquoi, non, les pauvres, non. Ils sont non. Plus pas une que moi. Oui, plus rock'n'roll et puis bon. Toi, c'est pas rock'n'roll? Non, je te dis, je suis une bobonne. Non, non, non. Non, non, je ferai rien avec eux, mais rien. Je suis contente, tu vois. Il y a un guitariste, il y a une pianiste et il y a un batteur. Ah, mais ça fait un groupe? Oui, ça fait un groupe. Ah. Ouais. Ah, ils sont trop mignons. Et les les disques, tu le prépares avec beaucoup de... Est-ce que tu veux qu'ils sortent rapidement ou t'es pas pressé? Non, je suis pas pressée parce qu'en fait, je voulais qu'ils sortent rapidement, mais là, c'est pas parti pour, donc... Je suis plutôt en réflexion artistique, là, à savoir... Et c'est en vacances que tu vas peaufiner. Oui, je vais, disons que je vais avoir beaucoup de temps pour y penser, et c'est très bien. Est-ce que tu es chiante lorsque tu es en version création? Est-ce que ton copain dit « arrête, arrête » ouais. Non, ça va, parce que je travaille beaucoup la nuit. Ok. Justement, parce que tu vois, il y a moins de bruit, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de passage, il n'y a plus rien, je suis peinarde. Donc non, je suis pas, je pense pas être chiante, okay. Non. Je pense être plus chiante quand je... Quand je quand je sais pas où je vais, que je suis pas contente parce que j'avance pas, je pense que c'est plus chiant. Quoi. Est-ce que tu te crées beaucoup d'attentes? Est-ce que tu es genre à mettre d'une pression? Non, je l'ai peut-être été, mais tu sais, avec les enfants, à mon grand âge. Non, bon, oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu deviens quand même philosophe, quoi. Ouais. Je me dis bon. Pour le temps qui me reste à vivre. Je me dis, c'est formidable déjà de pouvoir écrire. Et il faut être content de ça. Il faut être un peu exigeant aussi, bien sûr. Hein, mais voilà, c'est ça qui compte. De trouver le temps pour ça, en fait. Constance, on va se diffuser. Et on te souhaite le nouveau disque le plus rapidement possible pour pouvoir partir. Merci beaucoup, c'était super sympa. Super là, sympa. Pour savoir l'âge, quand même. Oui, quand tu auras éteint ton micro. Okay, pourquoi t'es gêné de dire ton âge? Ah, mais ça me fait chier, je vais avoir 50 moi aussi. Ah, ben oui, t'es né en 67. Ouais. Toi aussi. Incroyable! Quel mois? Février. Ah, juin. T'es plus jeune. Ouais. Enfoiré. Ouais, c'est ça, plus jeune. Ah, mais pourquoi ça te dérange? Mais tu les fais pas de 1. Tu fais à peu près. Attention à ce que tu dis. Non, 35-40 comme moi. Moi, je fais 35-40. Oui, c'est vrai que tu fais pas 50. Oui, je sais. Mais parce que. Hier... Mais les garçons, c'est pas pareil. Non, c'est pas vrai. Hier, là, je suis pas du genre à me raser, mais hier, je me rends compte que quand je me rase pas, j'ai beaucoup, beaucoup de poils blancs. Ah, non, d'accord. Je me rase à cause de ça, mais sinon les cheveux, j'en ai pas de poils. Ouais, et moi non, j'en ai pas. Là, c'est ma vraie couleur. Hein. J'ai pas de. Et moi aussi, hein, c'est. Non, mais tu sais, le truc, c'est qu'en fait, je trouve qu'on a beau dire, c'est quand même moins facile pour les femmes. De vieillir. Ouais, moi je trouve. Hein. Surtout quand t'es artiste. Hein. Ouais, mais c'est parce que les femmes se créent de la pression. Ah ben attends, ils veulent correspondre surtout. Ils veulent correspondre à ce que les magazines amènent. Non, mais il y a aussi tout simplement que, regarde, dans les maisons de disques, tu crois pas qu'ils vont en développer des femmes de 50 ans? Ils en ont rien à foutre. La fille de Serge Reggiani. Ouais. Ben écoute, elle a... Non, enfin, c'est la fille de Serge Reggiani. Non, ça a fait... Elle a même pas eu le 4000 euros pour faire son album à titre indépendant. Et elle a quel âge? Elle a 62. Et c'est à cause de son âge, tu crois? Non, c'est pas. Tu me dis oui, mais c'est Reggiani. Ah oui! C'est pas parce que c'est Reggiani. Son père a amené beaucoup d'argent dans le coffre de La Philippe et de Polydor. Et c'est vraiment pas à cause du fait que tu t'appelles Reggiani que tu vas avoir tous les sous et que tu as toutes les portes qui s'ouvrent au contraire. Elle a 62 en ce moment? À peu près, 60 ou 62, j'ai pas demandé. D'accord. T'as le suivant là, qui est là ou pas? Oui, bientôt. Oui. Ah bon, pourquoi? D'accord. Pourquoi? Bah, Pierre m'avait dit de l'appeler quand j'aurais fini, mais. Ouais, tu veux pas? Bah si, je veux bien, mais il va pas descendre ici. Ok, il veut venir ici? Bah oui, il voulait venir à la fin. Oh, pour me... Oh, mais t'aurais dû le dire, ça serait peut-être... J'ai été conne, j'aurais dû le dire. Ah non, c'est pas grave. Attends, je lui envoie un message par Facebook. Mais... Ah oui, pas sur son téléphone? Bah non, parce que je l'ai pas. Ah? Ah, je l'ai pas. Si tu l'as, mais... En fait, parce que je reste ici à côté, moi, sur le site du web. Ah oui, d'accord. Puis je vais aller chercher des... Ah, je l'ai le numéro. Ah, génial. Alors, c'est... Plus... Ah non, toi, c'est... 06, tu commences au 06. Ok, ouais. 67. 06, 67. Non, c'est 6, le premier 6. Ouais. 7. Ouais. 7. 0. Ouais. 8. Ouais. 5. 3. Beaucoup de répétition là. Ben, il me manque un chiffre. Non. 6, 7, 7, 0. Ah, 8. 7, 7. Oui. 6, 7, 7, 0, 8, 55, 33. C'est ça. Ok. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut que j'achète des, prendre des piles. Je croyais que les miennes étaient. Mais c'est de la chenoute. Ah merde. Je recommence? Non, c'est bon. Coucou Pierre. Mais je vais revenir, c'est pas très loin. Eh ben, je t'attends. Ok. Tu reviens ici ou ton autre rendez-vous, il est ici? Oui. Ok, bah je t'attends, de toute façon, okay. Je vais voir un truc. Ok. On était chez toi, il faisait nuit noire. On avait passé un bon moment et j'allais m'en aller. Quand tu m'as enlacé, et sans même que je demande, tu m'as proposé de l'essayer sans plus attendre. C'est à ce moment-là, à cet instant-là, que j'ai compris que tu m'aimais. Elle étincelait, garée au bout de l'impasse. Tu m'as regardé m'installer derrière les essuie-glaces. Tu m'as tendu la clé avec un sourire étrange. Quand tu es monté à mes côtés, un truc avait changé. C'est à ce moment-là, à cet instant-là, que j'ai compris que tu m'aimais. Baissez-moi du bout des doigts toutes les femmes. scope quand on me brutalise. J'ai l'air d'une salope, mais je suis froide comme une banquise quand je fais mon striptease. Donnez-moi vos désirs, que je les réalise. Donnez-moi vos fantasmes, que je les exorcise. Donnez-moi votre violence, que je la neutralise. Mais il me faut du silence. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.